marabout, moi je pas un bon de boyau. Je vous Oh, man. de canción, de cariri, o oh, de cariri, o oh, de cariri. De cariri, o de cariri, o de cariri.